qu'est-ce que c'est? Riche de corps, Jack, il ne reviendra plus jamais, jamais, jamais, jamais. Riche de corps, Jack, il ne reviendra plus jamais. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot, ou je pars au triple galop. Bye, bye, riche de corps, Jack. Donc imaginez qu'en dans ses bras hier soir tu m'as trouvé. Tais-toi, tu mens, tu n'es qu'un coureur. Avec elle je t'ai vu, c'était pas ta sœur. Là tu m'en as dit trop et je pars au triple galop. Bye bye, fiche de corps, Jack, il ne reviendra plus jamais, jamais, jamais, jamais. Fiche de corps, Jack, il ne reviendra plus jamais. Qu'est-ce que tu dis? Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, arrête, ar